Chapitre 23e. Les jardins du roi. Ceci se passait au moment où M. de la Guerche, roulé par une vague, abordait sur la côte occidentale de la Suède. Franz Kreuz, qui voulait mériter l'estime de Jean de Werth, s'était mis en campagne sur le champ et avait expédié divers agents dans les ports de mer principaux du royaume. L'un d'eux avisa M. de la Guerche au moment où celui-ci se montra dans Gothenburg et le reconnut au signalement qu'on lui en avait donné. Cette rencontre eut pour conséquence immédiate le coup de pistolet qui faillit renverser Armand Louis sur la route de la Maison Blanche. Cette première tentative n'ayant pas réussi, Franz Kreuz ne se laissa point décourager, et averti par un courrier du départ de M. de la Guerche avec Abraham Cabellio, il résolut de demander à son épée le résultat que la maladresse de son émissaire ne lui avait pas permis d'obtenir. C'était un homme consciencieux qui tenait à bien gagner son argent. L'œil exercé du baron Jean de Werth avait reconnu Armand Louis aussitôt que celui-ci, conduit par Magnus, avait paru devant le château royal. Une idée subite l'éclaira. S'approchant donc de Franz Kreuz qui ne le quittait plus, tandis que M. de la Guerre cherchait à s'ouvrir un passage jusqu'à Mademoiselle de Souvigny, « N'ayez garde d'oublier que vous êtes ici dans le jardin du roi, et que quiconque tire l'épée dans une résidence royale est mis à mort, » dit-il. C'est un édit que la sagesse du roi Gustave Adolphe a dicté pour mettre un frein à la fureur des duels. Si cependant quelque maladroit vous provoquait, vous êtes gentilhomme, et moi, Jean de Werth, je vous couvre de ma qualité de ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur Ferdinand. » Puis, d'un ton simple et comme un homme qui fait une observation, « N'est-ce point, monsieur de la Guerche, que j'aperçois là-bas » dit-il. Plaise à Dieu qu'il ne se fasse point de sotte affaire dans les jardins du roi. » Franz Kreuz sourit et caressant ses moustaches. « Soyez sans crainte, mon plan est fait. C'est un loup pris au piège. » Et Franz se perdit rapidement sous les ténèbres d'une charmille. Cependant la nuit se faisait. Jean de Werth venait de prendre une allée ombreuse et de s'enfoncer dans une allée de bosquets où Mademoiselle de Souvigny, rêveuse et triste, le suivait, sans se douter que M. de la Guerche fût si près d'elle. Armand Louis, qui craignait de les perdre de vue, s'élança dans la même direction. Un homme se présenta subitement au détour d'une allée. M. de la Guerche le heurta et, du choc, fit tomber son chapeau dans l'herbe. « Au diable, le maladroit !» cria cet homme. « Hé, morbleu, quel est celui qui a rencontré l'autre ?» répondit M. de la Guerche, qui cherchait son feutre jeté par terre du même coup. « Chanson que tout cela, qui a fait une sottise, la répare !» reprit Franz Kreuz d'une voix hautaine, et du doigt, il montrait son chapeau, gisant non loin de celui de M. de la Guerche. Si rapide qu'eût été cette altercation, elle avait suffi à Jean de Werth pour entraîner M. de Pardaillan et sa compagnie dans une autre direction. Mademoiselle de Souvigny venait de disparaître. Armand Louis, exaspéré, frappa du pied. « Ça ! Dit-il. « Est-ce une querelle qu'il vous faut ?» Et il mit la main sur la garde de son épée, un homme qui veut décharger sa colère sur quelqu'un. Franz Kreuz, qui se fiait aux promesses de Jean de Werth, tira la sienne avec assurance. « Voilà un pauvre garçon presque mort » pensa-t-il. Cependant, Magnus, tout essoufflé, accourait du bout de l'avenue. « Bas les armes !» leur criait-il hors d'haleine. Mais déjà les deux fers étaient engagés. « Tu vas voir comme je châtie un imbécile qui fait l'insolent !» poursuivit Armand Louis qui chargeait son adversaire avec fureur. Franz n'eut certainement pas mieux demandé que d'obéir à l'avertissement de Magnus. Il reconnaissait, mais trop tard, que l'homme si mal versé dans la science de l'escrime maniait l'épée comme un maître. Malheureusement, Armand Louis ne le laissait pas respirer. Le manteau déchiré, le pourpoint fendu, Franz voulut fuir. Une pointe d'acier lui perça le bras. « À moi !» cria le malheureux. Son pied heurta une souche et il tomba à terre. M. de la Guerche lui sauta à la gorge. « Confesse que tu es un drôle et un coquin » reprit-il. Cette idée qu'il n'avait pu joindre Adrienne l'animait d'une rage extraordinaire. En ce moment, un bruit de pas nombreux et pressé se fit entendre dans un bosquet voisin. « Ah, monsieur le comte, vous êtes perdu !» murmura Magnus qui venait d'arriver sur le terrain. Un officier suivi d'une troupe de soldats y arrivait aussi et trouvait Franz Kreuz à demi étouffé, râlant sous l'étreinte de M. de la Guerche. « Votre épée, monsieur, Au nom du roi, je vous arrête, dit l'officier. L'épée tomba des mains d'Armand Louis, qui, surpris et muet, resta debout devant l'officier. Franz Creuil sauta sur ses pieds avec l'agilité d'un chat, et tout en ramassant son chapeau avec force salut et force contorsion. Je passais, dit-il précipitamment. Monsieur s'était lancé sur moi comme un furieux. Voyez, j'ai mes vêtements en lambeaux. Mon sang coule par trois blessures. C'est un guet-apens. Misérable ! Cria monsieur de la Guerche. Magnus regarda Franz Creuil. L'épouvante de ce plagueux faisait bien voir au vieux soldat qu'une main étrangère l'avait poussé. Il savait maintenant, à n'en pas douter, quel était l'auteur de cette tentative. « Voilà un visage dont je me souviendrai, » murmura-t-il entre ses dents. Mais déjà, les soldats entouraient Armand Louis et l'entraînaient. Franz Creuil profita du moment de trouble qui suivit l'arrestation de son ennemi pour se glisser derrière un massif d'arbres et disparaître. Quand l'officier remarqua son absence, il était trop tard pour retrouver ses traces. La nuit enveloppait le jardin de ses ombres. Magnus, qui regrettait alors de n'avoir pas pris le fugitif à la gorge, voulut intervenir et démontrer l'invraisemblance du guet-apens dont son maître était accusé. L'officier l'interrompit. « J'ai quelque idée que vous pouvez avoir raison, l'ami. Mais ce gentilhomme a été saisi l'épée au poing. Il venait de répandre le sang, et j'ai des ordres. » « Si j'insiste, je pourrais bien partager le sort de monsieur de la Guerche, » pensa Magnus. « Qui s'occupera alors de le tirer de prison ? Qui saura même qu'il y est entré ?» Il se tut et suivit le cortège. Mais tandis que les soldats et leurs prisonniers traversaient silencieusement les sombres avenues où personne ne se montrait plus, Franz, que sa blessure semblait rendre plus leste, rejoignait Jean de Werth en quelques minutes et lui rendait compte de son expédition. « Quel combat ! Dit-il. Il faut sûrement que votre ennemi ait fait de grands progrès depuis que vous ne l'avez vu. C'est un diable. Un chapeau mort, un pourpoint fendu, un bras troué. Trois choses qui n'étaient pas comprises dans notre marché. » Jean de Werth glissa la main dans sa poche. « Et tu dis qu'il est aux mains des soldats du roi ? Dit-il. « Dans leurs mains et en route pour une prison devant laquelle je ne passe jamais sans faire dévotement le signe de la croix. »« Vous êtes un honnête homme, » répondit Jean de Werth, en jetant quelques pièces d'or dans la main de Franz. « Et ce respect que vous montrez pour les choses sacrées vous porteront bonheur. » L'aventurier compta les ducats de Jean de Werth et les fit sauter dans la paume de sa main avant de les enfouir dans les profondeurs ténébreuses de son haute-chausse. « Voilà bien pour le prisonnier, » poursuivit-il. « Mais qu'y a-t-il pour le chapeau, le pourpoint et la blessure ?»« Hé hé, tu as bon appétit, maître Franz. »« Excellent. » « Remarquez d'ailleurs que j'ai failli le perdre au service de votre seigneurie. »« Allons, prends !» reprit Jean de Werth en vidant sa bourse dans la large main de Franz. « Tu feras dire quelques messes pour le repos de l'âme de monsieur de la Guerche. » Tandis que le baron congédiait ainsi son auxiliaire, Armand Louis, suivi de Magnus, arrivait devant la porte basse d'une prison trapue, solide et noire, qui faisait partie des dépendances du château. Un fossé rempli d'eau, sur lequel tombait un pont-levis, la mettait à l'abri de toute surprise. Une sentinelle, le mousquet au bras, veillait à chacun des angles du bâtiment. Étonné de ce luxe de précaution, Armand Louis, qui n'avait pas bien compris pourquoi on arrêtait un gentilhomme qui défendait sa vie, se tourna vers l'officier et lui demanda ce que c'était que cette prison vers laquelle on le conduisait. « La prison des criminels d'État, » répondit l'officier. « Oui, oui, c'est bien cela. » murmura Magnus. L'officier comprit, à l'étonnement de monsieur de la Guerche, que celui-ci ne se rendait pas compte du crime qu'il avait commis. Il lui expliqua, d'une voix émue, quels ordres terribles interdisaient de tirer l'épée dans les dépendances des résidences royales. Or, il avait été surpris l'épée nue à la main, devant un ennemi terrassé, sanglant, en flagrant délit. « C'est un crime de lèse-majesté, » ajouta l'officier. « Voilà donc pourquoi tu t'enrouais à crier bas les armes ?» dit Armand Louis qui se tourna vers son compagnon. Magnus baissa la tête. « Oui, oui, » répondit le vieux soldat. « L'expérience parle, mais la jeunesse ne l'écoute pas. »« Ainsi ceux qui entrent dans cette prison n'en sortent que pour mourir ?» reprit monsieur de la Guerche. Le silence de l'officier lui répondit. Un léger frisson passa entre les épaules du jeune gentilhomme. Il venait d'apercevoir Adrienne, elle l'aimait. Il avait 25 ans. Magnus posa sa rude main sur l'épaule d'Armand Louis. « Monsieur le comte, La mort, qui parfois arrive tout d'un coup quand on la croit bien loin, s'éloigne souvent à tire d'elle quand on la croit bien près. Armand Louis promena la main sur son front. « Monsieur, dit-il à l'officier, avant de passer cette porte, me permettez-vous de vous adresser une requête ? Si ce que vous désirez, je puis vous l'accorder sans m'écarter des règles de la discipline, aussi vrai que je m'appelle Arnold de Brahe, parlez sans crainte. Laissez-moi causer 2 minutes avec ce soldat que vous voyez là. D'avance, je vous jure que ce que j'ai à lui dire intéresse aussi bien le service du roi, votre maître, que mon salut. Et vous ne tenterez pas de vous sauver ? Je vous en donne ma parole. » Sur un signe de l'officier, l'escorte s'éloigna d'Armand Louis et Magnus s'approcha du prisonnier. « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'aime et je veux vivre, » dit Armand Louis. « Me voilà. Ce que Magnus promet, Magnus le fait. » Monsieur de la Guerche tira une bague du petit sac de cuir qu'il portait au cou et la présentant au soldat. « Mon salut est peut-être attaché à cette bague, » reprit-il. « Il faut que tu la portes au palais du roi et la remettes au capitaine de ses gardes. » Fût-il au fond des enfers, en Laponie ou chez sa maîtresse, le capitaine des gardes du roi Gustave Adolphe l'aura. « Bien. Tu lui diras alors qu'un gentilhomme français est en péril de mort, que ce gentilhomme sollicite l'honneur de parler au roi. S'il hésite, dis-lui qu'au moment de quitter La Rochelle, j'ai vu son éminence le cardinal de Richelieu et que le tout-puissant ministre du roi Louis m'a chargé d'une mission pour le roi de Suède. Est-ce tout ? C'est tout. Ah, si par impossible le capitaine des gardes n'était pas auprès du roi, eh bien adresse-toi au roi lui-même et montre-lui cette bague, mais sur ton âme, ne t'en dessaisis pas. Perdu, je serai mort. » « Magnus n'est plus un enfant, » reprit le soldat d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Pardonnez-lui s'il insiste. « Mais peut-être est-il bon qu'il soit mis au courant des circonstances dans lesquelles cette bague, qui a une forme particulière, vous a été confiée ?»« Comment et pourquoi ?»« Vous m'avez parlé d'un certain comte de Vazaborg qui est mêlé, je crois, à l'histoire de cette bague. »« J'ai pu comprendre aussi que cette personne, chez laquelle vous vous êtes rendu en quittant le saumon couronné et que nous avons accompagné à Karlskrona, Marguerite Cabellio, n'est pas étrangère. » « Ne me cachez rien. Si ce n'est pour vous, que ce soit pour mademoiselle de Souvigny qui vous aime, que ce soit pour moi, monsieur le comte, qui vous suis attaché jusqu'à la mort. » Armand Louis n'avait pas encore entendu Magnus parler avec cet accent. Il n'hésita plus, et bien qu'il lui répugna de parler des circonstances où il avait pu montrer ce qu'il y avait en lui de qualité généreuse, il raconta tout ce qui se rattachait à l'épisode de la Maison-Blanche. Ce qu'il rapporta de son entretien avec le comte de Vazaborg surprit Magnus, mais ce n'était pas le moment de discuter avec monsieur de la Guerche. « Est-ce bien tout, cette fois ? » reprit-il. « Tout, je te l'affirme. Renaud, qui est mon frère, ne sait rien de plus que toi. » « Alors Magnus agira, et s'il ne voit pas le comte de Vazaborg, il verra le roi. » Armand Louis pressa la main de Magnus. « Monsieur, reprit-il ensuite en se tournant vers Arnold de Brahe, « je suis à vos ordres. » Arnold de Brahe s'approcha d'une sentinelle, le pont-levis s'abaissa, une porte s'ouvrit, et Magnus vit disparaître M. de la Guerche dans l'ombre sinistre de la prison. Magnus, on l'a pu voir, était un homme résolu, habile et rompu à toutes les aventures. Sa longue expérience des choses de la vie lui faisait croire fermement qu'entre l'âge du bourreau et le coup de la victime, il y a toujours place pour un miracle. C'était à présent une affaire à régler entre le roi et lui. Et si bien gardé que fut Gustave Adolphe, Magnus ne faisait pas doute un instant qu'il ne parvint jusqu'à sa royale personne. Il passa donc à son cou le fil d'or auquel la bague était suspendue et s'éloigna de la prison d'un pas délibéré. « Puisque le comte de la Guerche pour lui, Magnus, disait-il en marchant, le comte de la Guerche n'est pas encore mort. » Sa résolution était déjà arrêtée. Armand Louis se trouvait dans une de ces passes où les minutes valent des journées. Magnus voulait donc s'adresser au roi directement, et non pas perdre un temps précieux à poursuivre le capitaine des gardes ou le comte de Vazaborg. En toute chose, il était de ceux qui croient résolument qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses archanges. Malheureusement pour le prisonnier, une autre personne aussi pensait à lui. Franz Creuss était de cette race d'hommes qui n'oublient rien et qui chargent leur rancune du soin d'acquitter les dettes de l'amour-propre. Toutes les fois qu'il commettait une peccadille, et ces sortes d'aventures étaient communes dans sa vie, il mettait la faute au compte d'autrui et ne négligeait pas de s'en venger plus tard. M. de la Guerche lui était donc particulièrement odieux, d'abord parce que Franz l'avait fait tomber dans un guet-apens, et en second lieu, parce que ce même M. de la Guerche n'avait pas craint de nouer ses doigts autour du cou de Maître Franz, et ce coup-là, Maître Franz Kreuz l'avait en une particulière estime. En quittant le baron Jean de Werth, Franz pensait donc à M. de la Guerche et se promettait d'assister à son exécution. C'était bien le moins qu'il devait à un cavalier qui avait eu de si vilains procédés à son égard. Ce souvenir le fit se diriger du côté de la prison, où il voulait voir en personne qui s'y connaît si toutes les précautions étaient bien prises. Il y arriva, en passant par le plus court, au moment où l'escorte faisait halte devant le pont-levis, après avoir tout d'abord conduit le prisonnier auprès du maréchal du palais qu'il avait sommairement interrogé. Franz Kreuz, ne voulant rien perdre du doux spectacle de l'emprisonnement, et se couchant à plat ventre dans un taillis voisin, il se glissa jusqu'auprès de l'escorte sans faire plus de bruit qu'un serpent qui fuit sous l'herbe. Il suffisait de le voir ramper pour être convaincu qu'il avait l'habitude de ces sortes d'expéditions. Une seule fois, une branche sèche craqua sous le poids de son corps. Magnus tourna la tête et fouilla le taillis du regard. Franz resta immobile, blotti parmi les feuilles sous un rideau de verdure. « Ah, le coquin, il a les oreilles d'un lièvre !» murmura Franz, qui déjà ne respirait plus. Mais Magnus songeait alors bien plus au danger qui menaçait Armand Louis qu'aux trahisons d'un ennemi invisible. Il détourna les yeux et Franz respira. De la place où il était caché, il put voir à son aise tous les mouvements de M. de la Guerche et de Magnus, et bientôt après, saisir au vol quelques mots de leur conversation. Il entendit distinctement ceux de Salut et de Roy. Il vit de plus, passer des mains d'Armand Louis dans celles de son compagnon, un objet brillant dont la forme lui échappa. Il ne douta plus que ce ne fût une mission que le prisonnier confiait à Magnus. Le misérable, si près de la mort, il songe à me nuire, pensa Franz. Et il se promit sur le champ d'empêcher Magnus de remplir cette mission jusqu'au bout. Franz se coula donc hors du taillis, gagna une ruelle voisine et frappa à la porte d'un cabaret borgne où les aventuriers maltraités par les caprices de la fortune et l'inconstance du jeu abondaient en tout temps. Il n'eut pas besoin de se mettre en frais d'éloquence pour déterminer trois des plus malheureux à se joindre à lui. La vue de quatre ou cinq ducats suffit. Franz se plaça la tête de son corps d'armée et la posta au coin d'un carrefour noir que Magnus devait nécessairement traverser pour rentrer chez lui. Au bout de peu d'instants, il entendit résonner sur la terre le pas robuste de Magnus. « Attention » souffla-t-il dans l'oreille de ses gens. « Laissons-le passer. » Puis ensemble, d'un seul bond, sautons dessus. À l'un le cou, à l'autre les bras, au troisième les jambes. Évitons qu'il ne crie et ne se débatte. Il ne faut pas que le sommeil des voisins soit troublé. Magnus toucha bientôt au bord du carrefour, ralentit le pas une seconde, comme pour en sonder la profondeur obscure, et s'y engagea. Il allait disparaître dans une ruelle voisine, lorsqu'il vit tout à coup se dresser devant lui quatre fantômes qui le saisirent par tous les membres à la fois, avant qu'il eût pu se mettre en défense. Comme un daim mordu à la gorge et au flanc par quatre loups, il se débattit et tomba. « Tenez ferme !» dit Franz, et il promena ses mains sur le corps de Magnus, qui faisait d'incroyables efforts pour se dégager. Bientôt Franz sentit sous ses doigts la saillie faite par la bague. Il ouvrit le pourpoint de Magnus et brisa la chaîne qui retenait le bijou. Magnus, qui râlait, imprima une secousse si violente à ses ennemis que deux d'entre eux lâchèrent prise. Le soldat se souleva à demi, chercha son poignard et d'une voix terrible appela au secours. « Imbécile !» s'écria Franz, qui entendait dans une rue voisine le bruit que fait une troupe de cavalerie en marche, et frappant Magnus à la tête du lourd pommeau de sa dague, il glissa la bague du comte de Wasaborg dans sa poche. La main de Magnus lâcha le poignard, ses muscles se détendirent, et sa tête retomba sur le sol. La troupe de cavalerie qui marchait non loin de là approchait. Franz avait lestement fouillé dans toutes les poches de Magnus et ouvert sa ceinture. rester plus longtemps auprès de ce corps inanimé, expirant peut-être, eût été dangereux. « Sauf qui peut !» dit-il, et toute la bande s'effaça dans les ténèbres. À tout hasard, Franz se rendit chez Jean de Werth. En cas d'événement, la renommée et la puissance de ce riche seigneur lui assuraient une protection, et de plus, il avait l'espoir de tirer un bon prix de la bague dérobée sur le corps de Magnus. Un orfèvre n'en aurait pas donné 20 pistoles. Franz en voulait au moins 100 pour se payer de ses peines et soins. Les gens du baron avaient ordre d'introduire Franz à toute heure auprès de lui. Les vêtements en désordre et l'air affairé de son complice donnèrent à penser au baron que quelque chose d'extraordinaire se passait. « Qu'y a-t-il encore ? » dit-il. Franz sourit et passant la main sur ses moustaches. « Le zèle que j'ai pour le service de votre seigneurie détruira ma santé, » dit-il. « Je ne dors plus. À quoi pensez-vous que j'ai employé ma soirée ? Au lieu d'aller honnêtement me coucher comme je n'avais bien le droit après tant de fatigue. « Que sais-je ? » fit Jean de Werth. « Tu es un homme si plein d'imagination. Au fait, ne cherchez pas, vous ne devineriez point. » Et d'un air où la modestie le disputait à la vanité, Franz raconta au baron de quelle façon triomphante il avait employé les dernières heures du jour. « Eh, ce n'est pas si mal, » dit Jean de Werth. « Que penses-tu que soit devenu ce maladroit qui se mêle de venir en aide aux personnes qui sont en prison et que tu as si proprement accommodé ?»« Magnus, je connais le pommeau de ce joujou, il doit être mort. »« Que ses fautes lui soient remises !» Franz se signa. « Quant au bijou, le voilà, » reprit-il. À la vue de la bague que lui tendait Franz, le baron eut quelque peine à réprimer un mouvement de joie. Il croyait avoir déjà vu une bague en tout semblable au doigt de Gustave Adolphe. Il s'en empara vivement, fit jouer le ressort d'un petit chaton et vit dans l'intérieur un jet et un a couronné gravé sur un saphir. C'était là certainement un objet que le roi donnait à ceux qu'il voulait admettre auprès de sa personne en toute occasion, un signe de reconnaissance. Privé de cette bague, M. de la Guerche était désarmé. C'est un bijou de prix, ajouta Franz, qui cherchait à lire sur la physionomie du baron. Il vaut bien 30 pistoles, répondit Jean de Werth en affectant un ton d'indifférence. Un souvenir d'amour, sans doute, quelque gage que le prisonnier aura voulu renvoyer à sa maîtresse. La figure de Franz, qui n'avait pas songé à ce côté-là de la question, s'assombrit subitement. Cependant, en considération des peines que tu t'es données, je vais bien t'en offrir 100 pistoles. Poursuivit le baron. C'était le prix que désirait Franz. Son visage s'éclaira. « Marché conclu, » dit-il. Après que Franz Creuil se fut retiré, Jean de Werth respira profondément. « À présent, je puis dormir tranquille. Monsieur Daguerche est un homme mort.